Ésaïe chapitre 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte, pour avoir de l'aide, et qui s'appuient sur les chevaux, et qui mettent leur confiance en leurs chariots, quand ils sont en grand nombre, et en leurs gens de cheval, quand ils sont bien forts, et qui n'ont point regardé au sein d'Israël, et n'ont point recherché l'Éternel. Et cependant, c'est lui qui est sage, et il fait venir le mal, et ne révoque point sa parole, il s'élèvera contre la maison des méchants, et contre ceux qui aident aux ouvriers d'iniquité. Or les Égyptiens sont des hommes, et n'ont pas le Dieu fort, et leurs chevaux ne sont que chair, et n'ont pas esprit, l'Éternel donc étendra sa main, et celui qui donne du secours sera renversé, et celui à qui le secours est donné, tombera, et eux tous ensemble seront consumés. Mais ainsi m'a dit l'Éternel, comme le lion, et le lionceau, rugit sur sa proie, et quoi qu'on appelle contre lui un grand nombre de bergers, il n'est point effrayé pour leurs cris, et ne s'abaisse point pour leur bruit, ainsi l'Éternel des armées descendra pour combattre en faveur de la montagne de Sion, et de son coteau. Comme les oiseaux volent, ainsi l'Éternel des armées garantira Jérusalem, la garantissant et la délivrant, passant outre, et la sauvant. Retournez vers celui de qui les enfants d'Israël se sont étrangement éloignés. Car en ce jour-là chacun rejettera les idoles de son argent, et les idoles de son or, lesquelles vos mains vous ont faites pour vous faire pécher. Et l'Assyrien tombera par l'épée, qui ne sera point l'épée d'un vaillant homme, et l'épée qui ne sera point une épée d'homme, le dévorera, et il s'enfuira de devant l'épée, et ses jeunes gens d'élite seront rendus tributaires. Et saisi de frayeur il s'en ira à sa forteresse, et ses capitaines seront effrayés à cause de la bannière, dit l'Éternel, duquel le feu est dans Sion, et le fourneau dans Jérusalem.